106.3, vous êtes donc sur FPP avec le programme La Jungle des Luttes, notre programme mensuel du troisième lundi de 19h à 20h30, retransmis le jeudi matin pour, assez tôt, hein, à 8h30. Donc, si vous voulez nous réécouter, si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'au bout avec nous, c'est donc le comité de solidarité avec le peuple avec les peuples du Chiapas en lutte qui vous présente ce programme. Et aujourd'hui, on avait plutôt décidé de se centrer sur le Mexique, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses, de lutte d'ici et d'ailleurs, mais donc pas toujours du Mexique. Donc, on a profité d'être au mois de juin, un peu avant l'été, avant qu'il y ait des personnes qui partent au Mexique et puissent à la rentrée nous rapporter des nouvelles toutes fraîches. On voulait vous présenter un programme en partant d'un interview fait par Javier de Loriega, qui est une personne chargée de venir à la rencontre des collectifs, comités ou groupes de solidarité en Europe, donc de manière à pouvoir rapporter des petites paroles aux zapatistes sur ce que font ici les gens, les comités, les collectifs, ici donc à Paris, mais aussi en Grèce, en Espagne, en Angleterre, etc. Donc on a fait une interview avec Javier de Loriega qui dure une vingtaine de minutes, qu'on coupera sûrement. Donc évidemment, je vous donnerai la traduction donc je vais lire en même temps une traduction. J'espère que ça se passera bien. Donc on est toutes les deux aujourd'hui avec Magali, que je remercie pour la technique. C'est sa première, où elle est toute seule. Donc s'il y a des couacs, et puis si moi toute seule aussi, s'il y a des couacs, vous nous excusez d'avance. J'espère en tous les cas que vous passerez un bon moment avec nous, et on parlera du Mexique. Avant toute chose, je vous rappelle quand même, pour ceux qui peuvent noter là, pour pas oublier, que le samedi 25, donc samedi prochain, il y a une journée au CICP organisée par Échange Solidaire, donc qui est l'association qui distribue le café des coopératives zapatistes sur Paris. Donc une association dont sont membres des personnes du CSPCL, enfin c'est l'inverse, c'est des personnes qui font partie du CSPCL qui ont monté cette association. Et donc on organise une journée de distribution de café, donc le nouvel arrivage de cette année, et donc toute l'après-midi avec un certain nombre de personnes qui auront des tables, comme Atankan, coopérative de consommateurs et producteurs jouisseurs et militants, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, donc bien sûr avec une petite table de presse, le comité de solidarité avec les Indiens d'Amérique, l'association entre ici et là-bas qui vend de l'huile d'olive et des savons à l'huile d'olive de Palestine, la MILPA de l'artisanat des coopératives zapatistes également, les faucheurs d'OGM apparemment ne seront pas là, mais il y aura de la bière avec la coopérative Atanka, donc tout va bien, et puis il y aura le Philistin, l'artisanat et produits alimentaires de Palestine. Donc ça c'est au CICP 21 Terre rue Voltaire, samedi 25 de 14h à 20h. Et pour ceux qui veulent pas venir seulement acheter, donc notez l'horaire pour les projections. Il y aura des projections faites par le collectif Pico y Pala, qu'on a reçu il y a 2 mois, qui vont faire la projection de 2 petits documentaires. Donc ça sera à 14h30, on aura le temps de faire un petit débat. Puis à 15h30, il y aura la projection organisée par le CSIA. Ce sera Incident à Oglala. Et ensuite, à 17h30, Viva México, qui est donc le film que le CSPCL présente, qu'on a déjà projeté, et qui est un film sur l'autre campagne. Je vous redonne les précisions un petit peu plus tard avant de repartir. Et je vous rappelle quand même que cette même journée du 25 est chargée. Vous pouvez commencer d'abord par manifester à 11h devant la rôtisserie 4 rue Sainte-Marthe. Donc, c'est le métro Belleville. Et donc, puisque c'est menacé d'expulsion, la rôtisserie, il ne s'agit pas de baisser les bras, sachant que ça fait 5 ans que la rôtisserie est en lutte et que là, il y a des moments décisifs qui se jouent. Donc, la manif à 11h, samedi 25, toujours devant la rôtisserie rue Sainte-Marthe. Donc, on fait une petite pause musicale avant de commencer donc avec l'interview et des nouvelles ensuite sur le Mexique. À tout de suite. necessario un cambio profundo, una revolución. Voglio dire che ci aspettiamo che operai, contadini, settori popolari, eccetera, si rendano conto che le nostre rivendicazioni sono le loro stesse e che è necessario un cambio radicale. Una rivoluzione. Per questo non vi chiediamo medicine, cibo, abiti, le scarpe avanzate e le guardaroba vecchie. Noi vi chiediamo qualche cosa di più importante. Una rivoluzione. FPP 106.3, la jungle des luttes. Donc, on est comme tous les troisièmes mercredis du mois avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est sur le Mexique aujourd'hui et on voudrait donc vous traduire l'interview qu'on a fait avec Javier Elorriaga. Donc, cette personne a eu déjà des interviews avec Radio Libertaire de Radio. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont eu l'occasion de l'entendre. Il y a des gens de FPP aussi qui ont eu un petit interview avec lui. Donc, il y en a peut-être qui ont entendu parler de lui. Nous, on a essayé justement d'aborder des thèmes avec lui différents pour pas que ça se recoupe. Et donc, notamment un petit peu de reprendre ce qu'est justement la posture des apatistes, puisqu'en fait, peut-être qu'on connaît, mais c'est toujours bien pour les gens qui suivent pas véritablement de près, de reprendre un peu ce qu'est le processus apatiste et donc un petit peu de retracer les différentes grandes postures des apatistes et du chemin qu'ils ont parcouru et des propositions qu'ils ont faites au monde depuis 1994. Donc j'espère que ça va être assez lisible. Donc on va passer quand même en fond l'interview et moi je vais vous traduire. C'est bon, peut-être. Et donc, c'est Pablo qui est la voix, l'interlocuteur de Javier. Et donc, Pablo qui, donc, est d'habitude notre technicien. La historia, los compañeros. Donc là, du coup, on est peut-être un petit peu trop en avant dans le... On avait dit, il faut nous excuser pour les problèmes techniques. Donc là, normalement, c'est bon. Donc voilà, on va commencer par remercier justement... Javier de nous avoir accordé cette interview pour le programme de la jungle des luttes. Et donc, peut-être que s'il y a des problèmes techniques, je vous rappelle juste donc que... Donc voilà, donc ça va, il va y avoir un petit peu de temps là, le temps qu'on s'installe, mais bon, ça devrait vite se passer. Donc voilà. Donc merci pour l'interview, pour notre programme La Jungle des Luttes, un programme qu'on fait chaque mois. Et donc on voudrait aborder trois thèmes. La première chose qui nous intéresse, c'est de savoir comment évolue et comment continue le projet zapatiste depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, dans un contexte de guerre que nous savons qu'est une guerre qui n'a pas cessé d'exister. Ce que nous a appris le zapatisme, c'est que ce que nous avons vu en regardant l'histoire des compañeros, c'est cette capacité de pouvoir... De pouvoir lire la réalité, de lire ce qui est en train de se passer et de générer des propositions, des actions concrètes qui puissent les aider à transformer cette réalité. Le zapatisme part de ce, que, de ce qu'ils nous ont appris et qui est de marcher, en, d'avancer en se posant des questions, comme ils disent. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas d'une conception adéquate, complète de la réalité et de dire on va adapter la réalité à notre projet, mais c'est le contraire. Notre projet, c'est de marcher à transformer la réalité et de chercher à construire un nouveau monde avec d'autres formes de faire de la politique. Et donc, avec cela, faire de nouvelles choses. Et comme tu le dis, il faut essayer, il faut faire de nouvelles choses dans un contexte de guerre. Et donc, dans un premier temps, en 1994, il disait aujourd'hui, ce qui compte, ce qui sonne, résonne, c'est le feu. Le feu, ce qui veut dire que nous devons commencer à construire ce que nous désirons dans une situation de guerre. Et donc, dans une situation, nous devons identifier ceux qui sont nos alliés, et donc, dans ce cas, le peuple. Et donc là, le zapatisme sort le 1er janvier prêt à mourir, mais il meurt, mais il ne meurt pas parce que la société se met entre le gouvernement. Et c'est la société qui dit « Attends, on t'a écouté, on est d'accord avec toi, on est d'accord avec tes demandes, et le gouvernement doit mettre fin à sa guerre. » Et cette mobilisation massive fait que le zapatisme se retrouve face à quelque chose qu'il n'avait pas planifié. Et qui est, en réalité, on doit plus se battre ouvertement avec les armes, comme on avait pensé. On doit maintenant expliquer aux gens qui, comme nous, qui sommes-nous et pourquoi on lutte. Et donc, en même temps, il y a des nouveaux défis pour le zapatisme, parce qu'ils s'étaient préparés pour une guerre et tout à coup, ils doivent se préparer très vite pour la paix, pour la construction d'une paix juste et digne, surtout. Et donc, d'un côté, ils doivent faire face au gouvernement puisqu'ils sont sous la pression du gouvernement, c'est un gouvernement qui lui est sous la pression de la société nationale et internationale, mais qui continue à avoir son armée, ses groupes paramilitaires. Et de l'autre côté, il faut apprendre la société, puisqu'on ne les connaît pas en vérité. Et donc, il y a deux luttes, et au milieu de tout ça, ils doivent répondre de façon zapatiste, donc en partant des consultations, de consensus interne, des discussions, de différentes propositions, de répondre également aussi à ce que propose le gouvernement, obligé par la société, forcé par la société. Donc, les premières années, c'est ça. Il y a déjà un territoire. Ce territoire, c'est le territoire zapatiste et il y a un processus de dialogue. Et on doit affronter toujours ce dialogue avec le Mexicain et en même temps continuer à avoir un dialogue avec les gens. Et donc, on a un processus de dialogue avec les gens et il nous explique qu'il y a donc l'opportunité pour une parole, prise de parole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, grâce à l'organisation des peuples, on a besoin de moins en moins de temps pour l'organisation militaire, pour la défense, et donc on peut commencer à s'occuper des questions comme l'administration du territoire. Et c'est là qu'ils disent, on va faire des autonomies. Parce que, évidemment, avant 1994, il n'y avait aucun compagnon qui pensait aux autonomies, il pensait à la guerre qui venait, à l'affrontement militaire. Et donc, en 95 et 96, on pouvait commencer à penser aux autonomies. Parce qu'il y avait un contrôle assez clair, ouvert et reconnu de leur territoire. Et donc, les compas ont dit, ici, il y a des municipalités autonomes. Donc, on va commencer à créer une nouvelle structure géopolitique dans nos territoires. Et donc, ce qu'on avait eu avant, ce qu'on avait avant, un service de santé, maintenant avec le soutien international et national, pour développer ce service, on pourra le développer plus amplement, ce service de santé, comme tel que nous on le pense, et donc pas avec un hôpital central, la prévention de l'infirmière. Mais en pensant qu'il s'agit déjà de prévenir la maladie, et avec qui? Avec nos propres compagnons et compagnonnes. Et donc on fait les premiers efforts sérieux pour promouvoir les promoteurs de santé. Et c'est la même chose avec l'éducation. On ne va plus avoir des professeurs du gouvernement qui nous imposent un type d'éducation, mais on va former nos propres professeurs. Et donc, c'est ce processus qui renforce l'autonomie. Sans oublier, bien sûr, que le voteur du gouvernement fédéral, d'État et municipal est toujours là en train de pourrir ta vie. Et donc, dès qu'il y a une petite fissure à cause de quelques différences dans une famille, de quelques conflits, le gouvernement prend parti, essaye d'acheter l'un pour créer la division. Parce qu'évidemment, quand tu divises, tu peux vaincre. Donc, dans ce processus de construction, ça va toujours être accompagné de cette guerre qui ne finit pas et qui se manifeste de différentes façons, sans jamais finir. Et donc, l'organisation continue à grandir et pose de nouveaux problèmes. Et un de ces problèmes est, évidemment, on a le contrôle sur le territoire, on a des zones développées en matière de santé, d'éducation. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut être attentif à ne pas laisser grandir l'inégalité dans le territoire zapatiste. Puisque cette zone qui est très célèbre, parce qu'on voyait le sous-commandant Marcos par là, par exemple, et c'est pour ça que tout le monde venait aider cette zone, et donc toutes les aides étaient destinées à cette région, alors qu'ils avaient déjà une école, un collège, une clinique, une bibliothèque, mais cet autre peuple, donc, qui est dans un autre coin n'a rien parce que personne ne vient jamais. Et donc, il faut faire un réajustement du territoire zapatiste et une nouvelle coordination entre les zapatistes eux-mêmes pour pouvoir justement éviter ces inégalités. Et donc, c'est ce qu'ils nous expliquent quand ils font les juntas de buen gobierno. Et donc, c'est les juntas de buen gobierno, c'est-à-dire les assemblées de bon gouvernement, c'est un meilleur contrôle et une meilleure construction de l'autonomie ou dans un territoire plus grand où différentes communautés, différents peuples indiens vivent ensemble et conforment le zapatisme. Et donc, ils se mettent d'accord entre eux d'une autre manière pour qu'il n'y ait pas d'inégalité dans le territoire zapatiste. Et c'est un processus où les compañeros inventent, marchent et parfois ils se trompent. Donc, on va faire une petite coupure. J'espère que c'est relativement lisible. On n'a pas de retour là, vraiment. On est tout seul. Mais bon, j'espère que vous avez compris qu'il avait donc repris toute l'histoire, justement, de ce soulèvement où au départ, c'est une guerre. Et donc, ensuite, la construction de l'autonomie en commençant, évidemment, par la santé et l'éducation. Mais que c'est aussi, justement, tout ça en parallèle avec, justement, le dialogue. Donc, on fait une petite pause musicale et on revient tout à l'heure avec la suite de l'interview. Suerte 3 FPP, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. On reprend l'interview de Javier Elorriaga qui on a demandé un petit peu de reprendre le processus zapatiste pour vous qui peut-être ne connaissez pas les zapatistes dans toute la longueur du processus. On y va, on reprend. Madre. Pero todo en un contexto de guerra. Et donc parfois ils se trompent et ils essayent à nouveau et donc ils tentent dans un contexte de guerre. Et donc en fait la question pour compliquer c'est qu'il y a une évolution des formes, mais il y a également la guerre du gouvernement qui est en train de changer. Ben oui, il y avait effectivement les avions en train de bombarder les communautés au premier jour et puis maintenant aujourd'hui on ne parle plus de bombardement et en 94-95 c'est plutôt le surgissement des groupes paramilitaires dans la zone nord. Et donc, effectivement, les compañeros arrivent à contenir ces groupes. Et après, en 97 et en 98, les groupes paramilitaires sortent de la zone des Altos et maintenant sont dans la zone des Cañadas, de las Cañadas. Donc, il y a des changements du gouvernement pour maintenir la guerre occulte. Et donc, il y a des changements continus. Et puis, l'une des formes, un harcèlement continu, l'une des formes, c'est le mensonge. Le mensonge sur ce que raconte sur ce qu'il raconte par rapport aux zapatistes, pour raconter au monde qu'il n'y a plus de zapatistes et qu'ils ont été vaincus, qu'ils sont plus que 200. Donc il y a des campagnes continues que le zapatisme même dément, même sans le vouloir, quand ils font une action. Et donc, tous les gens voient qu'ils continuent et que l'organisation continue, qu'ils sont aussi de plus en plus. Et donc, c'est une constance tout au long de ces années. Non, donc, c'est... Et donc, effectivement, il y a la autre campagne qui n'est... Oui, l'autre campagne, c'est une autre proposition d'organisation du zapatisme, cette fois pas dans leur territoire, mais au niveau national. Et donc, l'idée, c'est que toutes les personnes qui sont d'accord que l'ennemi, c'est le capitalisme et que la coalition... Solution, c'est de finir avec le capitalisme sans passer par la lutte politique, institutionnelle, électorale, partidiste. Eh bien, que dans notre pays, ce qu'elle fait, c'est de soutenir finalement le capitalisme. Tous ceux qui sont d'accord avec cela, ils doivent se mettre ensemble dans un mouvement national. Assez bizarre puisque en fait c'est pas une forme politique traditionnelle mais qui part au contraire des luttes locales pour arriver un jour à une plus grande lutte. L'idée d'articuler alors plusieurs luttes, d'articuler plusieurs luttes et d'être un support de plus dans la lutte pour la transformation du pays. Et donc, ça, c'est toute cette... toute cette solidarité, l'organisation des groupes solidaires, donc pas seulement au Mexique, mais aussi dans d'autres territoires. Donc pendant que le zapatisme évolue, il y a également des formes de solidarité, de coordination des luttes dans d'autres lieux qui évoluent aussi, n'est-ce pas ? Oui, depuis 1994, le zapatisme crée beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir parce qu'il dit au monde, c'est oui, c'est possible de lutter. Et donc, on nous a vendu l'idée de la chute du socialisme, la chute du mur, et donc que l'histoire, c'est le triomphe du capitalisme. Mais le zapatisme a démontré que c'était encore possible de lutter. Et cela donne à l'esprit de tous, à tous ceux qui étaient en train de lutter dans le monde, un espoir et donc ils ne se sentaient plus seuls parce qu'ils luttaient contre les courants politiques, idéologiques et partidistes. Et donc contraire à toute logique. En effet, toutes les parties du monde qu'on voit, alors que les indigènes se lèvent et se disent « bon, on peut alors... » je ne suis pas seul et on répète aux zapatistes qu'ils ne sont pas seuls, mais on ne se sent plus seul. Donc cette évolution, vous la voyez là-bas, vous la sentez comment ? Parce qu'il y a beaucoup de traditions, de luttes très différentes. Et comment est-ce qu'on peut se relier avec elles sans entrer en conflit ? Il y a beaucoup d'idées différentes. Oui, les compagnons ont toujours eu très clair que c'était comme ça. Les zapatistes sont ouverts. Il y a eu beaucoup des moments de guerre dans lesquels il n'y a pas eu la possibilité de s'ouvrir. des guerres plus déclarées, plus ouvertes. Et donc c'est pour ça que dans l'un des principes, un des objectifs de beaucoup de ces campagnes, c'était donc de parler avec les gens, de connaître les luttes et de faire des voyages et des sorties et des rencontres qu'ils ont fait au Chiapas. C'était une proposition constante et un principe du zapatisme. Et donc, l'idée, c'était qu'on ne peut pas faire des luttes seules. C'est la garantie pour qu'une lutte triomphe, c'est quand plusieurs luttes triomphent en même temps dans un pays et dans le monde entier. Et donc, ça, c'est l'un des principes et le... Donc c'est comme ça qu'il l'appelle, non, le syndrome de Cendrillon, comme il l'appelle. Quand quelqu'un te laisse une chaussure de talon, il faut parfois uniquement une chaussure de talon pour la forêt. C'est ridicule de venir en forêt là avec un tel talon. Mais il te laisse uniquement le droit à une insulte. Donc il ne sert même pas à faire du théâtre. Et on l'a dit plusieurs fois, si on nous demande un nouveau monde, mais surtout on demande que vous luttiez dans vos lieux pour combattre la misère et l'oppression. Et donc dans ce contexte, la lutte continue, la pression du gouvernement continue et actuellement il y a différents actes, attaques paramilitaires, militaires, même du gouvernement. Et on attend. Et vous attendez quoi de ces organisations, de ces luttes? Quelle relation en fait avec quelle relation y a-t-il entre cette solidarité et puis le motif de sa venue en Europe? Je veux juste laisser une chose claire. Je ne parle pas au nom des assemblées de bon gouvernement ni au nom de l'EZLN. Donc si vous me demandez si on attend quelque chose, je donne la réponse de l'Arriaga qui dit ce que nous attendrions du Mexique uniquement. C'est que donc en Europe, ils luttent, qu'ils soient attentifs aux canaux d'en bas et à gauche, les liens qu'on établit avec les mouvements qui luttent au Mexique, qu'ils racontent leur lutte là-bas et qu'il n'y ait pas besoin de grands médias de communication parce qu'ils ne vont pas raconter ce qui se passe. Et donc, être attentif. Et donc attentif parce que le langage, c'est le même pour tous les peuples qui luttent et donc qui puisse être diffusé ici aussi. Et de plus en plus de médias parlent moins de la réalité nationale, ils parlent de la réalité de la classe politique, de la peur, de la tragédie, mais ils parlent peu de la lutte. Donc en Europe, en Amérique et dans d'autres lieux, on doit écouter la lutte en renforçant les liens de communication et les liens de fraternité, les liens avec d'autres mouvements de lutte. Et comme ça, quand il y aura quelque chose que les autres mouvements veulent raconter, et donc ce sera beaucoup plus facile pour sa diffusion. Et c'est pour cela qu'il faut commencer dès maintenant à construire des liens. Et donc là, il va faire une demande sur l'actualité, donc plus précisément sur le mouvement qui est en train de se faire pour la paix et qui est un appel fait par Javier Sicilia depuis Cuernavaca. Et donc justement après l'effet tragique dans lequel a été assassiné son fils. Et donc c'est une histoire d'ailleurs de beaucoup d'autres Mexicains. Et donc c'est un appel auquel le ZLN a participé. Et par rapport à ce qu'on avait vu déjà, c'était pas forcément une présence de le ZLN très présente. Le commandant David l'a expliqué très bien dans la manif du 7 mai à San Cristobal, où il y a plus de 20 000 zapatistes qui défilent. Et il dit, on est seulement une commission qui est venue pour se manifester là-bas. Il y a encore nos peuples. On est venu se manifester parce qu'on considère que ces paroles et ce silence de Sicilia et de tous ceux qui défilent avec lui sont justes. Il y a une guerre contre le peuple mexicain. Et donc, ce ne sont pas seulement des morts liées aux bandes criminelles, mais des morts par le gouvernement et ceux qui veulent que l'on ait peur et qu'on ne dise rien. Et donc... que no digamos que nada, qu'on ne parle pas, qu'on meurt de peur. Et donc, c'est ce que dit David, et donc il dit, le zapatisme est avec vous, parce que votre lutte est juste, et donc on marche avec vous. Et il n'y a pas à choisir un drapeau quelconque, c'est un cri de la société mexicaine qui dit, ça suffit. Ça suffit avec cette guerre. Parce que, effectivement, le ZLN avait toujours été très attentif à ce qu'il prononçait. Non, non, non. Le ZLN a toujours soutenu toutes les luttes. Ce qu'il n'a pas soutenu, ce sont des luttes de la classe politique. S'il y avait eu un appel d'un parti politique, évidemment, on l'aurait ignoré. Et c'est ce qu'explique David. Vous avez appelé non pas à une cause d'une question électorale, mais pour une question politique. Enfin, pas pour une question politique au sens partidaire, mais vous avez appelé à une lutte pour la paix. Et nous voyons la paix comme la justice et la dignité pour tous. Et c'est ce que dit le commandant David. C'est pour ça qu'on est venu. Si ça avait été un appel dans lequel il y avait eu un parti politique, on aurait dit non. Et donc, on aurait dit, bon, bah, c'est bien, faites-le, et on verra bien qui répond. Mais ce qu'on a vu, c'était une demande du peuple, réellement, un arrêt à la guerre, une fin à la guerre. Et curieusement, le jour de la manif, il y a eu des attaques paramilitaires. Mais oui, ben, ça, ce n'est pas curieux. Ça les énerve beaucoup de voir le peuple organisé, non? Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'unique chose qu'ils savent faire. Tirer et dire « je te fais peur ». Mais c'est un peu absurde, car ceux qui viennent pour une manif avec plus de 20 000 personnes ne vont pas avoir peur de quelques tirs. Et c'est une forme de désespération de l'ennemi, peut-être, là. Oui, apparemment, oui. Bon, voilà, on le remercie alors donc pour son témoignage et sa visite. On le remercie donc à nouveau. On fait une petite pause musicale et on reprend en espérant que vous avez compris de quoi il s'agissait dans cette interview. Musique. Blim, blim, blim. Posible. Zapateas un son o mudanceas un verso, parece que el universo encontró su salvación y no existe explicación, es tan solo tu manera de ser esa fandanguera que baila con tanto anhelo cual si un arcángel del cielo. Fandanguera que baila con tanto anhelo cual si un arcángel del cielo en Miriam se convirtiera. Hechicera del fandango, en ti el embrujo del son, brota con tal pasión que lo vives y bailando a todo vas encantando. Jarocha de alta estima, a tus pies pongo mi rima, pues trino divino escucho si veo a Miriam Machucho zapateando en la tarima. al ver que la magia encierras cuando tú bailas así. Todos te admiran a ti y a una virgen te pareces. Si en el son que se amanece, tu mudanzas va sembrando, pues por ti nace el fandango y la tarima florece. Y es causa rubio ceguera y alivio de mis tormentos. Su baile a cada momento un mágico mundo crea. Cuando Rubí mudancea, pone alas al pensamiento. Pone alas al pensamiento. FPP, La Jungle des Luttes, un morceau jarocho de la musique traditionnelle de Veracruz. Donc, on n'était pas au Chiapas, mais bon, c'était un peu pour voyager dans le Mexique. Donc, là, on a tout à l'heure, donc, je vous ai traduit un interview qu'on avait avec Javier Loriega qui, des fois, parlait de il, nous. Il est proche des zapatistes, mais il n'est pas zapatiste, il ne vit pas dans les communautés. En même temps, il est lié. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas un porte-parole. En même temps, c'était une personne qui serait capable de ramener des informations zapatistes pour un petit peu avoir un contact plus direct avec les gens qui vont souvent chez eux, et donc pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, au cours de cet entretien, il a parlé donc, de l'autonomie que les zapatistes ont construite. Donc ça, je pense que tout le monde a plus ou moins en vue. Il a aussi parlé de la guerre, donc d'une guerre continue avec des formes différentes. Et également, justement, de la marche organisée pour la paix avec justice et dignité, organisée par Javier Cecilia. Et donc, justement, lui, c'est un poète. Donc, lui a organisé, suite à l'assassinat de son fils, il y a 2 mois environ, il a organisé cette marche qui a eu lieu donc, le 10 juin. Une marche qui est partie de Cuernavaca, qui a parcouru 3000 km avec 13 bus. Donc ça, c'est des marches que le Mexique connaît de façon assez régulière. Il y a des caravanes de solidarité, des caravanes de dénonciation, des caravanes de rencontres avec les gens. Donc un petit peu comme la forme qu'avait eue l'autre campagne. Là, la proposition, c'était de parcourir une partie du Mexique et de pouvoir proposer un pacte national citoyen, si on peut dire. Donc ça, c'était une proposition ouverte avec donc à chaque fois, à chaque parcours, des rencontres avec des 6 points forts dans le pacte, dont notamment la démilitarisation des fonctions publiques, puisque effectivement sous prétexte de la guerre au narcotrafic, en fait il y a eu une militarisation très forte, et donc depuis 5 ans on compte aujourd'hui 40 000 morts, 10 000 disparus. Les prisonniers politiques sont eux aussi très nombreux. Ça, on a souvent l'occasion d'en parler, on parle rarement de chiffres. Bon, 40 000 morts en 5 ans, c'est assez énorme. 10 000 disparus, c'est gravement conséquent. Donc voilà, il y a une marche qui s'est initiée par ce poète, mais qui a été soutenue et reprise et puis organisée, co-organisée par d'autres groupes de la société civile. Donc il y a des personnes de l'autre campagne, des groupes de l'autre campagne qui ont participé à cette marche. Il y a également un évêque, Raoul Vera, qui est souvent en ligne comme ça avec les luttes sociales. Et donc la proposition, donc, c'était un petit peu justement de réclamer et de faire pression sur le gouvernement. Donc là, sur les six points, il y a la démilitarisation, mais également un dialogue avec le gouvernement, avec l'État. Ce qui, effectivement, là, peut-être a pu créer, parce que si tout le monde est d'accord sur la démilitarisation, forcément sur la question du dialogue avec le gouvernement, il y a forcément des gens qui ne sont pas d'accord, puisqu'on a déjà fait la preuve, les apatistes, par exemple, notamment, mais ce n'est pas les seuls, à avoir pu expérimenter les dialogues inutiles et du temps perdu, puisqu'il n'y a aucun respect, en général, des engagements du gouvernement. Donc, l'argument, lui, de Cécilia, c'est qu'en tous les cas, ceux devant lesquels on est, donc les personnes à qui on doit s'affronter, les personnes qui sont en cause et responsables, c'est bel et bien le gouvernement, quand bien même il y a d'autres luttes qui sont menées contre des gros projets touristiques qui engagent des entreprises multinationales, etc. Il y a en tous les cas une politique de militarisation qui est le fait du gouvernement, et donc ça, c'est l'un des arguments de Cécilia. Donc apparemment, il y aurait peut-être, faudrait suivre, puisque voilà, c'est un processus. Il y a eu le 10 juin, il y a eu la marche, avec justement une arrivée à Ciudad Juárez, donc là où il y a eu des tables avec différentes thématiques, des discussions. Et donc Ciudad Juárez, peut-être que dans les médias, vous avez pu en entendre parler, c'est là où on a à plusieurs reprises retrouvé des fosses avec les corps des femmes qui travaillent dans des usines aux alentours. Et donc, ça a été, cette ville a été connue notamment pour ça, puisque sinon, il y a pas qu'à Ciudad Juárez où il y a des crimes abominables qui sont commis, mais en tous les cas, c'était un lieu emblématique pour pouvoir arriver et donc discuter, se mettre autour de la table. Donc là, cette marche, évidemment, les apatistes l'ont soutenue. Donc justement, c'est ce qu'on disait dans l'interview, c'est assez rare, effectivement, que les apatistes se prononcent quand il y a des mobilisations. Bon, Javier disait non, les apatistes se sont toujours manifestés. Bon, de l'extérieur, on sait qu'ils ont souvent mis leur distance avec un certain nombre de propositions, parce que justement ils peuvent pas toujours être eux, en refusant d'être une avant-garde, c'est pas à eux de cautionner et de dire c'est bien, c'est pas bien. Il y a un moment où il y a une autonomie aussi des luttes au Mexique, donc c'est aussi peut-être l'intérêt, enfin moi ce que je pointe, c'est que si on n'entend pas les apatistes qui soutiennent une lutte, ça veut pas dire qu'ils sont contre cette lutte, et eux, au nom de quoi eux devraient à chaque fois soutenir les luttes et les propositions ou les initiatives qui s'engagent. Donc disons que c'est un peu pour rétablir parfois les critiques qu'on peut faire, puisqu'on n'entend pas toujours les apatistes, sachant que la lutte des apatistes, c'est pas non plus que soutenir les autres luttes, mais aussi s'organiser en interne. Donc il y a aussi ce versant là qu'on peut mettre en avant, en fait. Et donc voilà, cette marche là a en tous les cas le mérite, je pense, de renouer avec une autre initiative, et pas seulement l'initiative lancée par les apatistes qui était celle de l'autre campagne. C'est un petit peu de renouer avec une société civile qui doit prendre sa place aussi, indépendamment de l'autre campagne qui, elle, touche un certain nombre de personnes, mais il y a encore plein d'autres Mexicains qui sont en mesure de pouvoir se mobiliser et qui ne sont pas de l'autre campagne, sachant que l'autre campagne appelle les luttes d'en bas et à gauche. Les gens de la société civile sont sûrement en tous les cas en bas, puisque c'est les gens de la société, donc c'est des gens d'en bas et qui ne sont pas au pouvoir, qui s'organisent, et à gauche probablement aussi, puisque en réalité tout le monde souffre des politiques néolibérales et du capitalisme dans le pays. Donc la proposition, bien qu'elle puisse justement avec ces six points de pacte national mettre en opposition à un certain nombre de groupes, elle a sans doute le mérite, en tous les cas, de redynamiser sous une autre forme cette société, donc ce Mexique qui bouge quand même énormément, qui souffre, qui lutte, mais qui, en tous les cas, nous laisse espérer qu'il y a des choses qui peuvent venir de la société civile, sachant que du dialogue, nous, de là où on est, on pense pas qu'il y ait grand-chose qui se passe. En tous les cas, c'est une tentative encore à mener. Et ce sera un dialogue, non pas justement des apatistes comme il y avait eu, ni de l'autre campagne, mais de la société civile. Donc, on aura peut-être l'occasion de vous en reparler peut-être au mois de juillet, puisqu'on va essayer un petit peu de suivre ça de près pour voir ce qui se passe, puisque c'est une nouvelle initiative qui a son ampleur. Donc, il y a eu comme ça une initiative qui s'est donnée là le 10 juin. Donc c'est plutôt positif, disons. En tous les cas, on espère que la société civile va continuer à se maintenir. Et puis une autre bonne nouvelle, parce que ça c'est plutôt une vraie bonne nouvelle, il y a eu la libération d'un prisonnier politique à Oaxaca, à Janica. Et donc là, il y a eu justement l'occasion d'un événement politico-culturel auquel ont participé évidemment la personne libérée, donc Abraham Ramirez Vázquez, qui donc lui était détenu qui a été détenu en 2005 et libéré le 4 juin 2011. Donc c'est encore tout récent, donc évidemment détenu injustement. Et donc lors de cet événement, il y a eu plusieurs cartes qui ont été lues, dont des comités de solidarité en Europe, mais aussi évidemment du groupe de travail No Estamos Todos, de nous ne sommes pas tous là, qui est un groupe de travail du Chiapas et qui donc lui mène des actions pour la libération des prisonniers, mais aussi s'engage à aller visiter les prisonniers, à vendre leur artisanat pour qu'eux soient plus autonomes à l'intérieur des prisons. Il y a également eu des lettres de prisonniers politiques de la Voz de la Mate qui sont du Chiapas, qui ont également écrit à Abraham qui a donc été libéré. Et donc il y a on en a déjà parlé souvent de ce réseau autour de la lutte pour la libération des prisonniers, qui est un réseau qui fonctionne assez bien, on va dire, au Mexique. Et peut-être, on en a peut-être déjà parlé, certains peut-être s'en rappellent, dans l'autre campagne, il y a quelques réseaux, sachant que c'est un réseau de lutte qui doit se conformer, et donc une solidarité entre toutes les luttes qui doit essayer d'émerger, mais également à travers certains axes, parfois dans un État, mais aussi parfois certains secteurs ou certains axes, comme justement la libération des prisonniers. Il y a également les peuples indigènes qui, eux, réussissent également à fonctionner un peu, disons, en réseau, toujours dans le cadre de l'autre campagne. Et donc, le réseau pour la libération des prisonniers politiques est quand même quelque chose qui fonctionne pas mal et qui mobilise pas mal de gens. Donc voilà, on remercie à tous ceux qui se sont mobilisés pour la libération des prisonniers et qui ont permis en tous les cas à Abraham de sortir très récemment. Donc on fait une petite pause et puis on continue avec l'autonomie zapatiste et quelques projets pour ceux qui ne nous suivent pas régulièrement puissent avoir des infos plus précises. À tout de suite. Musique. Bye. La Jungle des Luttes, le programme mensuel du CSPCL, Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. On est sur notre dernière partie d'émission. On a commencé avec un entretien de Javier Larriega qui donc nous parlait de l'autonomie zapatiste qui, est, au départ de leur lutte, n'était pas un processus décidé, puisqu'ils avaient plutôt décidé la guerre et que c'est la société civile qui avait appelé au dialogue. Et donc, justement, dans ce dialogue justement avec l'État qui n'a rien donné, on l'a déjà dit, hormis avoir mis en place un accord sur les droits et les cultures indigènes. Mais cela étant, il n'y a aucune... Enfin, ou plutôt la loi qui a été votée était complètement dénaturée par rapport aux accords. Donc, il y avait, en parallèle avec ce dialogue avec le gouvernement, il y a eu un dialogue avec la société civile. On en parlait, qui du coup est en train de se réanimer à travers d'autres réseaux, avec justement Javier Cecilia, qui est donc ce poète qui a perdu son fils. Et donc, il y a une dynamique qui est en train de se lancer, pendant que les zapatistes aussi, en parallèle également, développent l'autonomie. Donc, sur l'autonomie, je voulais revenir sur le fait que, bon, il y a eu l'éducation, la santé, on en a souvent parlé, mais il y a aussi la production. La question de la production, la question de l'information, c'était juste deux points que je voudrais aborder avec vous, sachant que donc sur la question de la production au Chiapas, comme beaucoup de pays, la production agricole a été organisée, divisée, etc. Donc au Chiapas, on en a fait des caféiculteurs, donc les zapatistes sont donc essentiellement des caféiculteurs. Les autres productions agricoles, ce sont le maïs et les haricots rouges, le frijol, qui est en fait la base de leur alimentation. Donc il y a une partie de la production qui est liée à la consommation régulière et l'autre qui est une production qui permet de vendre et d'avoir des ressources pour, ben voilà, pour vivre et pour éventuellement développer donc, d'autres projets. Et puis, bon, ben, en concret, pour vivre. Hein. Donc, le problème étant qu'évidemment, quand on est zapatiste et rebelle et qu'on veut se couper... du gouvernement refuser toutes les aides. Il y a un moment où la proposition d'avoir des acheteurs qui ne soient pas le coyote, comme on appelle, celui qui vient dans ton champ avec un camion et des liasses de billets et qui achète à un bas prix ou au prix qui l'intéresse lui et non pas celui du producteur. Quand donc il y a une proposition pour avoir d'autres acheteurs, c'est une proposition donc, que les zapatistes ont prise. Et donc, actuellement, il y a un réseau d'achat de café à travers toute l'Europe et aux États-Unis également. Donc, ça, ce sont, pour Paris, c'est Échange Solidaire qui se charge de ça. Mais il y a aussi un groupe à Toulouse et il y a des groupes dans plusieurs pays. Donc, on a déjà parlé de ce réseau de café. Donc, j'en profite donc, pour vous rappeler que le samedi 25 au CICP, on fera cette distribution du café. Et donc, pourquoi le café? Justement parce que c'est la seule production et le seul produit qui, pour les zapatistes, permet d'avoir un revenu. Par contre, justement, ils n'ont pas toujours été formés en coopérative. Donc, il y a eu une première coopérative qui a été montée, qui, elle, a eu des déboires avec le gouvernement et a dû cesser son activité. Donc, une grande partie des producteurs, aujourd'hui, se sont... On rejoint une autre coopérative qui, entre-temps, s'était montée. Il y a Chill, donc on achète à cette coopérative. Il y a une autre coopérative dans une autre zone qui, elle, s'est montée récemment et qui, eux, ont une volonté politique marquée, à savoir également sortir de la certification officielle, puisque, justement, ça coûte beaucoup d'argent d'avoir une certification avec le label bio, qu'on passe par un organisme ou un autre, ça coûte beaucoup d'argent. Et ce que disent les zapatistes, c'est qu'en plus, ce n'est pas forcément viable. Donc, leur proposition, c'est justement d'avoir leur propre système d'auto-certification. Donc, ça, c'est la coopérative de Citliquilloum, donc un café qu'on achète aussi, et des producteurs avec qui on a des liens. Et c'est assez agréable de pouvoir justement échanger avec eux, parce que, voilà, il y a vraiment un travail politique qui est mené au niveau des socios, comme on dit, donc des producteurs de café. Il y a une autre coopérative qui est dans la zone de Morelia, Yachin, mais donc nous, on distribue pas ce café, non pas parce qu'on n'en veut pas, parce qu'il n'est pas bon ou quoi que ce soit, mais un peu pour éviter les surcharges de travail, puisqu'on travaille bénévolement. Donc, on évite d'avoir des liaisons avec plusieurs coopératives, puisque ça multiplie les transactions, les papiers, les contacts. Et donc, ce n'est pas toujours facile d'être en contact. Et nous, on n'a pas de magasin, donc il faut pouvoir stocker, pas avoir plusieurs arrivages. Donc voilà, on s'est concentré sur deux coopératives. Mais il y en a d'autres qui existent, donc d'autres pays d'Europe qui achètent du café à ces autres coopératives. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour découvrir ce café, qui ne le connaissent pas, donc voilà, il y a l'opportunité également de nous rencontrer si vous n'êtes pas là le samedi 25 juin au CICP. Vous avez des permanences qui sont toujours donc, au CICP au 21 Terre rue Voltaire de 16h à 20h. Donc, de 16h à 20h, on vous accueille si vous voulez acheter du café, si vous voulez avoir des renseignements. Il y a un petit peu d'artisanat également qu'on achète aux coopératives. Qui sont d'une certaine zone, mais il y a d'autres artisanats, donc un artisanat fait par des femmes dans la zone de Morelia qui, elles, ont refusé de se constituer en coopérative, justement pour ne pas être en lien avec le gouvernement, puisque quand on a une coopérative, il y a un moment où forcément on est déclaré officiellement, ce qui permet d'exporter effectivement pour les coopératives de café. C'est une obligation, il n'y a pas moyen autrement que de payer les douanes et les impôts, etc. Mais par contre, donc, pour ces femmes de Morelia, elles ont décidé de ne pas se monter en coopérative. Donc, il y a de l'artisanat fait par ces femmes. Donc, il sera en vente le samedi 25 juin. Et donc, ce qui est intéressant aussi pour ces femmes qui ont décidé de ne pas monter une coopérative, c'est aussi notamment parce que l'objectif pour elles de faire de l'artisanat, ce n'est pas de récolter de l'argent de leur artisanat et d'être des artisanes, mais surtout de récupérer des fonds pour développer des projets. Et donc, c'est surtout ça que je voudrais aussi mettre en avant pour dire que justement, la lutte des femmes au sein des communautés apatistes, c'est quelque chose d'important, quelque chose qui compte, quelque chose qui est aussi sans doute à l'origine aussi de la ténacité des communautés. Et donc, ces femmes qui font de l'artisanat et que je vends ici, parce qu'a priori, il n'y a pas d'autres personnes qui le vendent en Europe. Il y a une tentative en Italie, mais donc il y a peu de débouchés pour ces femmes. Je fais à fond la promo là pour que vous veniez acheter l'artisanat. Je pars bientôt cet été, donc il faut ramener des sous aux femmes qui ont des projets comme se former, par exemple, en herboristerie, parce qu'elles ont perdu le savoir traditionnel de la médecine traditionnelle. Donc, il faudrait récupérer ce savoir. Donc, il y a un moment où il faut un peu de fonds, ne serait-ce que pour se déplacer, pour que les femmes puissent un petit peu être autonomes dans leur processus et dans leur démarche. Il y a un autre groupe qui a décidé d'acheter des vaches pour que la production soit plus seulement liée aux hommes, mais aussi aux femmes. D'autres qui ont décidé d'acheter un moulin électrique pour éviter de passer des heures. Vous m'avez peut-être entendu déjà le dire, mais donc je répète que l'autonomie, justement, dans toutes les communautés, à son rythme, et même si les assemblées de bon gouvernement sont là, comme le disait Javier dans l'interview, pour réduire les inégalités, elles sont là pour réduire les inégalités sur un grand nombre de points. Et il y a tout un tas de détails qui ne sont pas des détails en réalité, mais qui sont vraiment partie intégrante du processus, qui sont le fait des dynamiques propres à chaque groupe. Et effectivement, s'il y a des femmes plus dynamiques que d'autres, des femmes qui ont plus d'envie, il y a des choses qui se développent plus facilement, évidemment. C'est la réalité un peu de la vie. Et donc, il y a comme l'autonomie vis-à-vis de l'information qui effectivement rentre pas dans les grands points premiers, éducation, santé et production, mais qui est quelque chose auquel les apatistes tiennent beaucoup et depuis toujours, puisque dans les premiers points de revendication, quand ils se sont soulevés, il y avait 11 points, ou 13, et justement dans ces 13 points de revendication, il y a notamment la question de l'information. Et donc, par rapport à l'information, c'est évidemment l'idée de pouvoir avoir leur propre réseau de diffusion de leur information. Donc, c'est pour ça qu'il y a Enlace Zapatista, qui est par exemple un lien à travers lequel nous, on peut avoir des informations. Donc, nous, mais vous aussi, ça veut dire. Donc, En la Zapatista. Donc évidemment, l'information est en espagnol. Donc c'est, mais pour ceux qui sont hispanophones, vous pouvez facilement donc avoir des informations qui sont de l'information des zapatistes au monde, si on peut dire. Donc Enlace, Zapatista, Zapatista. Donc .org, hein, je pense, un truc comme ça. Enfin, ça ne doit pas être difficile à trouver. Donc là, vous avez des informations en espagnol. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont créé il y a déjà un bon bout de temps. Mais il y a aussi tout le travail de Promedios, qui est une association qui siège à San Cristobal, donc une grande ville du Chiapas, qui n'est pas à proprement parler zapatiste, mais dans laquelle vivent la plupart des gens qui travaillent avec les zapatistes. Et donc cette association Promedios travaille depuis plusieurs années maintenant à la formation et à la diffusion des documentaires zapatistes, donc des documentaires sur les zapatistes faits avec les zapatistes et pour les zapatistes aussi. Et donc avec l'idée de former les gens des communautés pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leurs propres documentaires. Et donc une formation quant à la prise de l'image, au son, au montage. Donc ça, c'est un projet qui avance, pas de façon équilibrée, hein, comme je viens de le dire. Voilà, c'est les rythmes selon une zone, selon une autre zone, selon les événements, selon la disponibilité des gens, selon l'envie. Et donc, justement, par exemple, à Morelia, il y a des jeunes qui, eux, se sont emparés de la caméra pour faire un petit film fiction, donc sur une histoire d'amour et à l'intérieur de l'armée et que zapatiste et comment ça se passe, etc. Donc, moi, j'ai pu suivre ça un petit peu vite fait de l'extérieur l'année dernière. Mais donc, pour dire que, justement, c'est un outil que les zapatistes sont en train de s'approprier, et qui est un outil qu'on utilise, nous, peut-être beaucoup moins facilement qu'au Mexique, où justement, les gens font très facilement des petits films et le foutent sur un DVD. Et au lieu de distribuer des tracts dans une manif, on distribue très facilement des DVD où on les vend à prix libre, une coopération volontaire. Mais le support de l'image est quelque chose d'assez important au Mexique, probablement parce que il y a beaucoup de gens qui lisent pas, mais aussi parce que le papier, ça, finalement, ça revient plus cher que de dupliquer, que bon, de faire des copies de petits films documentaires, ne serait-ce que 10 minutes ou 5 minutes, où il y a des choses qui marquent, il y a des messages qui passent. Et donc ça, je le dis pour nous ici, en fait, en se disant que finalement, souvent, on sort d'une manif avec 12 papiers qu'on a pliés dans notre poche. On n'en lira sûrement qu'une moitié. Et par contre, on nous distribue rarement des DVD. Donc, ceux qui ont l'opportunité de pouvoir faire des petits DVD, je pense que ce serait des bonnes idées pour pouvoir faire passer des messages. Et puis, parfois, pour vraiment déclencher aussi des réactions. Parce que parfois, les images, ça permet aussi de mobiliser peut-être plus facilement aussi. Et donc Promedios, cette association qui a beaucoup travaillé, est aujourd'hui en difficulté. On a peut-être déjà eu l'occasion de vous en parler. Donc on accepte les soutiens pour Promedios et on remercie tout particulièrement la CCC, Collectif Contre-Culture, qui a organisé hier un concert justement en soutien à l'association Promedios. Donc un concert qui a eu lieu à la CICP, donc on remercie la CCC et les groupes qui ont joué, évidemment pour Promedios, de manière à pouvoir soutenir cette association pour qu'elle continue à faire son travail. Donc ces films-là, ce sont des petits documentaires en général sur justement ce qui se passe dans les communautés. Donc ça va justement de la production du café à la lutte des femmes, en passant par les projets d'eau, ou sur la question de la terre, ou sur comment on règle la justice sur les territoires zapatistes, puisque c'est souvent une question qu'on peut poser, comment ça se règle la justice dans les communautés quand on a une assemblée de bon gouvernement et qu'on n'est pas ou qu'on refuse et qu'on n'est pas soumis à la justice institutionnelle, si on peut dire, du pouvoir. Et donc, du coup, il y a plein de petits documentaires ils sont disponibles toujours à cette même permanence du mercredi de 16h à 20h au CICP 21 rue Voltaire. On est au deuxième étage, donc on a un petit local dans lequel il y a également ces DVD, des DVD sur lesquels il y a plusieurs documentaires. On les vend à 15€ et donc les projections sont libres. Donc si vous voulez aussi vous le procurer pour pouvoir faire des projections, on peut aussi prêter des films s'il y a des gens qui ont envie de projeter, de faire passer un petit peu le message. Et puis faire connaître en fait cette proposition Zapatis, ce processus et tout ce qui se passe dans les communautés. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais envie de mettre en avant sur la question de l'autonomie, c'est-à-dire que voilà, il y avait plein de petits et gros projets qui sont à soutenir et donc voilà. On fait une petite pause musicale avant de finir. À tout de suite. Musique. 106.3, vous êtes sur FPP, on est sur la fin du programme de la Jungle des Luttes. Je vous rappelle donc le samedi 25 juin, pour que vive la rôtisserie, la manif à 11h rue Sainte-Marthe, donc devant le restaurant de la rôtisserie, le restaurant associatif. Il y a un comité de mobilisation de la rôtisserie composé de l'AG, des associations et des riverains. Donc si vous voulez éventuellement avoir des infos, il y a le site http://larotisserie.org. Donc la manif le samedi matin à 11h et après vous pouvez enchaîner à 14h au CICP 21 Terre rue Voltaire avec des projections des débats, de la vente d'artisanat du Mexique et d'ailleurs, et de la vente du café, évidemment, Rebelles et Zapatistes. Et en soirée, de 20h à 22h, on fait un petit repas, un petit buffet convivial avec une ambiance musicale, avec Bato Loco. Donc au moins Roberto et quelques-uns de ses compas, on espère. Et donc sur cette projection-là, on vous invite à venir à 14h. Donc il y aura la projection de Pico et Pala à 14h30 avec Mocaz, qui est Via Campesina, qui est un petit court-métrage de 10 minutes au nord-ouest de l'Argentine, des paysans qui sont expulsés par des multinationales. Et puis Radio Tintina, qui dure 13 minutes et donc est un court-métrage qui montre comment les communautés s'organisent pour la création et la défense d'une radio campesinos, d'une radio de paysans pour paysans. Donc ça, c'est ensuite à 15h30 un autre film, où là, c'est un film qui sont liés à l'arrestation de Léonard Pelletier. Donc c'est un film fiction documentaire produit par Robert Redford, un film de 91. Et donc ensuite, à 17h30, le film Viva México, qui est donc un film sur l'autre campagne. Donc on vous invite vivement à venir participer à notre journée et également à suivre le comité de solidarité tous les troisièmes lundis du mois. Mais également, tous les mercredis à 20h30, on se réunit. On a une assemblée ouverte au 33 rue des Vignoles. Donc voilà, c'est une assemblée ouverte. Vous pouvez venir poser des questions, avoir des informations. Donc le mercredi à 20h30. Donc voilà, je vous laisse. Merci de nous avoir écoutés. Désolée pour les petits quicks techniques. Et à bientôt. La lucha sigue. Sigue, sigue, sigue. Ciao, à bientôt. by Naïmalk. L'émission qui se prend au mot un jour avant la fête de la musique, lundi 20 juin 2011. Et avant la fête de l'été. Avant la fête de l'été, effectivement. Jusque la fête de la musique. Et je suis vraiment très heureux d'être avec ce soir, vous venez d'entendre Sylvain. Bonsoir Sylvain. Alors tu es fiévreux et tu es un peu chaud ce soir. Oui, mais pas dans le bon sens du terme. Ah ouais. Effectivement, si vous entendez un pouf, c'est moi qui serais tombé de la chaise. Ah ouais. Je force même sur la voix pour avoir... suffisamment de débit. Donc si à un moment de l'émission je mue, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Je pense que j'ai attrapé un mauvais microbe. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? D'ailleurs, il y a Fabien qui va nous rejoindre, donc à propos de microbes, donc il va nous parler aussi de sa chronique. Oui, ça sera sur les... oui, c'est Escherichia coli, on en parle beaucoup en ce moment avec la bactérie entéro-hémorragique. Il nous écoute un peu, ça va d'ailleurs nous faire plaisir aussi de revoir Fabien qui voyage beaucoup dans le cadre de son travail. Toi qui le connais bien, il est toujours avec son ami. Non. Ah non, mais les questions indiscrètes, non. Je ne répondrai pas. Non, tu lui demanderas tout à l'heure. Il a l'air heureux et je sais qu'il vit le grand bonheur avec son compagnon. Je rêve d'être eux, mais je suis moi. Bonsoir Florence. Bonsoir Ibrahim. Comment ça va? Tu es heureuse? Oui, je suis très heureuse.